Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Caroline Sica. Bonjour Julien Vidal. Bienvenue dans le podcast 2030 glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette cinquième saison, le podcast il est toujours soutenu par la NEF, qui est une coopérative bancaire éthique depuis 35 ans. Ça veut dire que c'est une banque qui collecte de l'épargne et que grâce à cette collecte, elle va financer des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est carrément la banque des 2030 glorieuses. Sa particularité, c'est d'être 100% transparente puisque c'est le seul établissement bancaire en France à publier l'intégralité des prêts qu'elle réalise chaque année. On retrouve donc dans sa liste le nom du projet, son montant et une description pour comprendre son impact positif. La NEF, elle a aussi une cartographie sur laquelle on peut voir dans toute la France les projets financés. Et moi, ça me fait me dire qu'il y a déjà plein de projets qui vivent et qui incarnent les 2030 glorieuses. Aujourd'hui, on va vivre un épisode unique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous allez voir, je suis un peu déstabilisé à l'idée de faire cette interview puisque, en fait, c'est pas moi qui vais mener l'interview aujourd'hui, je vais être l'interviewée. Caroline, elle travaille pour le magazine Anciela Agir à Lyon, qui est un magazine de l'impact à Lyon que je découvre chaque mois avec plaisir dans ma boîte aux lettres. Et dans quelques jours, en fait, même normalement à l'heure où vous écouterez cet épisode, le magazine sera déjà paru. Ils vont traiter des métiers. Caroline en parlera mieux que moi. Elle va vous décrire un peu exactement le travail qu'elle a mené et les personnes qu'elle a interviewées si elle le souhaite. Et donc est venue l'idée, Martin, je te salue au passage si jamais tu nous écoutes, d'avoir un changement, même un retournement de situation, puisque c'est moi qui vais répondre aux questions. Et donc sans plus attendre, je laisse le micro à Caroline, qui est aujourd'hui l'intervieweuse des 2030 glorieuses. Caroline, à toi la parole. Oui, merci Julien de prendre la place de l'intervieweur interviewé. En fait, donc Agir à Lyon, pour replacer un peu le magazine, c'est un mensuel qui informe les lecteurs et lectrices de l'actualité écologique et solidaire de la région lyonnaise. Et on présente surtout des actions et des initiatives qui sont inspirantes. Et notre objectif, qui est totalement avoué derrière, c'est de donner envie à chacun et à chacune de s'engager à son tour et d'agir à son niveau. Et dans chaque numéro, on a un dossier thématique qu'on appelle « Défi ». Et donc pour notre numéro d'avril, on a eu envie de parler des métiers de demain et de la transition professionnelle. Donc je pense que c'est un sujet que tu maîtrises déjà bien, Julien. L'idée avec ce dossier, c'est de donner des pistes à celles et ceux qui sont en perte de sens dans leur activité professionnelle et qui ont peut-être envie de changer de voie pour aller vers un métier de la transition écologique. Alors à l'intérieur de ce défi, on va trouver à la fois des métiers inspirants qui existent déjà, des métiers qu'on a imaginés et qui pourraient apparaître dans les 20 prochaines années. Et il y a aussi des étapes clés à suivre lorsqu'on veut changer de voie. Et au milieu de tout ça, on trouvera bien sûr une interview de Julien Vidal. Et donc nous y voilà. On va commencer l'interview, Julien. J'imagine que les auditeurs et auditrices te connaissent déjà bien, mais je vais quand même rappeler deux, trois faits. À savoir qu'en plus d'avoir créé le podcast 2030 Glorieuse, que tu animes depuis maintenant presque 4 ans, tu as fondé le projet Ça commence par moi, qui propose plusieurs actions à l'échelle de l'individu pour changer le monde, rien que ça. Tu as aussi lancé des ateliers de déploiement des utopies, et au milieu de tout ça, tu as pris le temps d'écrire 3 livres. Plus que 3, attends, je vais les compter, puisqu'on est directement dans mon salon à côté de la bibliothèque. J'en vois au moins 1, 2, 3, 4, 5, il me semble qu'il y en a même 6, tu vois. Ah, j'avais pas toutes les infos. Ouais, non, mais après, il y en a qui sont passés en poche et tout. Ouais, ouais, c'est allé vite, hein, on est d'accord. Pas mal, pas mal du tout. Alors, bah, dans cet épisode, donc un peu particulier, comme tu disais, on va parler du pouvoir d'agir de chacun et de chacune, de futur désirable et de journalisme positif. Ouais. Et Julien, je vais commencer par la question que tu poses au début de chacun de tes entretiens. J'imagine que tu me vois me venir. Mmh. Quand tu rencontres des gens pour la première fois, qu'est-ce que tu réponds quand ils te demandent « Et toi Julien, tu fais quoi dans la vie ?» Je me rends compte que ça fait quelques temps que j'ai pas répondu à cette question parce que les endroits dans lesquels je vais en général, on m'y a invité parce que justement les gens ils voulaient faire un voyage en 2030 Gurus, donc ils me connaissent d'une certaine manière. À la fois, non, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis parce que en ce moment, dans notre milieu perso, il y a de temps en temps des nouveaux amis qui me sont présentés et j'aime bien botter en touche. Donc, si je devais faire une première réponse, ce serait de te dire que je vais me débrouiller pour faire en sorte que cette réponse, elle dure à peu près un dixième de seconde parce que j'ai pas envie de parler de moi, j'ai envie de parler des autres et j'ai envie de leur donner de la place et qu'en plus bah, toute ma vie elle est tournée autour des enjeux écologiques et donc j'ai pas envie de ramener forcément ce sujet tout de suite sur la table dans un temps un peu perso et en fait ça m'est arrivé hier d'une personne qui m'a dit toi c'est vrai qu'est-ce que tu fais et donc pour évacuer un peu le sujet je dis que je suis engagé dans la sensibilisation écologique dans la compréhension des enjeux de notre siècle et ça s'arrête à peu près là. Si les gens ils creusent, ils me disent mais attends, je comprends pas, qu'est-ce que tu fais exactement ? Là, j'apporte une deuxième réponse très rapide. Je dis que j'anime un podcast, que j'ai créé un atelier pour se projeter dans un avenir qui pourrait être désirable et que de temps en temps, j'écris des bouquins. En général, ça va pas plus loin. Maintenant, si jamais je devais vraiment répondre avec ambition à ta question pour me dire bah, dépasser l'étiquette LinkedIn que j'ai pas vraiment d'ailleurs, enfin je dis que je crois sur LinkedIn que je suis voyageur en 2030 glorieuse, je dirais même pas que je suis journaliste ou journaliste du futur, même si d'une certaine manière ça me ferait un peu plaisir parce que c'est ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Je dirais j'essaye de faire en sorte que les gens ils sortent du mode pilote automatique dans lequel on s'est un peu laissé enfermer. En fait, je crois que l'un de quelque chose qui pour moi me semblait être une vulnérabilité, un défaut et qui m'a provoqué beaucoup de souffrance, qui était d'être très empathique et de sentir le malaise des gens, leur mal-être et leur souffrance, j'ai réussi à en faire une force et d'arriver à me dire que c'était pas un état final d'être en souffrance, que c'était pas un état fatal que d'avoir renoncé à ne pas avoir de prise sur sa vie. Et d'une certaine manière, je suis toujours aussi heureux d'être en colère quand je vois autour de moi des gens qui ont abandonné et ça me va pas. Et donc, j'ai décidé de tout faire pour que les gens ils dépassent leur état de renoncement et qu'ils se disent « mais en fait, je peux avoir prise sur ma vie, je peux faire en sorte que demain soit mieux à l'échelle individuelle et collective. » Et ça, je le fais en racontant des histoires, c'est vrai, c'est un moyen plutôt qu'une fin. Et raconter des histoires, ça se fait avec le podcast, ça se fait avec les ateliers collectifs, ça se fait dans les bouquins. On pourrait résumer ta réponse en disant que tu es un peu un passeur, quelque part ? Ouais, un passeur ou je dirais plutôt un empêcheur de tourner en rond ou un empêcheur de survivre sa vie, un empêcheur de survoler sa vie. En fait, c'est ça. Je peux pas m'empêcher de me dire que, comme le dit Corentin de Châtelperron, que j'adore, on est pour l'instant en train de vivre sur la seule planète qui a du chocolat. On n'en a pas trouvé d'autres et donc c'est trop important pour ne pas vivre ça comme une chance extraordinaire tous les jours et de se dire mais qui je suis et comment je peux faire en sorte de rentrer en contact avec ma vibration profonde et de la mettre au service du monde pour être heureux et être heureux avec les autres. Très bien, on est bien d'accord sur le fait que c'est important de saisir notre chance de vivre sur une planète où il y a du chocolat. Même si ces derniers temps je me suis dit quand même, tu vois, pour la micro-anecdote, que ça faisait partie des endroits où j'avais encore une consommation qui n'était pas déraisonnable et déraisonnée, mais qui était quand même à contrôler. Et donc, je sais que le chocolat, il a un impact. Donc, j'essaie de réduire ça et de trouver d'autres manières d'avoir ce petit plaisir gustatif. Ouais. À consommer avec modération. On est d'accord, en conscience. Je voudrais un peu revenir sur ton parcours, parce que j'imagine que tu n'as pas commencé tes études en disant « Tiens, je vais lancer un podcast et je vais devenir chargé de déploiement des utopies, par exemple, c'est une de tes missions que j'ai trouvée sur LinkedIn. À quel moment de ton parcours t'as eu un déclic en te disant tout simplement, et si je montais des projets pour aider les autres à rendre le monde meilleur? En fait, j'ai l'impression que toute ma vie scolaire, ça a été fait par défaut. Je prenais des non-choix, ou en tout cas, j'essayais j'arrivais pas à trouver ce qui me faisait vraiment plaisir, alors du coup, je trouvais ce qui me permettait de garder le plus de portes ouvertes. Et jusqu'à un moment où je me suis dit, mais c'est pas possible de continuer à vivre comme ça, ça m'intéresse pas, je me fais carrément chier, même pour le dire ouvertement. Et là, j'ai réussi à saisir une perche qui passait, qui m'a permis d'avoir un stage en ONG, et puis ensuite de terminer mon cursus scolaire par un master dans la solidarité internationale et la gestion des projets dans les ONG, où pour la première fois de ma vie, je me suis dit, tiens, je peux être acteur de quelque chose et contribuer à un monde meilleur, à quelque chose qui me dépasse. Et en fait, ça tout de suite, ça m'a vraiment fait du bien, parce que dans ces premières expériences professionnelles, j'ai expérimenté le fait que j'avais mon mot à dire sur le bien-être collectif, et que je pouvais le soir en me couchant me dire, waouh, en fait j'ai laissé une trace tangible et j'ai contribué au bonheur des autres. Et à partir du moment où j'ai fait ça, après je me suis posé la question du bonheur collectif et de ce qu'il représentait vraiment, dans le sens où le bonheur collectif auquel je contribuais quand j'étais dans les ONG, c'était celui de continuer à exister à travers le matériel, tu vois, la surconsommation, parce que les jeunes que j'accompagnais dans les ONG, à la fin, quand ils avaient un salaire décent, ils s'achetaient un iPhone, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, le bonheur collectif auquel je contribue, d'une certaine manière, il me met dans le rôle d'être un commercial de Steve Jobs. Et ça ne me suffit pas. C'est pas suffisant, parce que ça participe à détruire la planète, à menacer nos équilibres, et en plus, à jouer à un jeu, une partition que moi j'avais commencé à jouer et qui ne me rendait pas vraiment heureux. Et donc, tu vois, j'avais envie d'un bonheur collectif plus profond. Et ça, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça passait fatalement par le fait de mettre en avant d'autres histoires qui permettaient d'autres bonheurs. Et malheureusement, pour l'instant, l'histoire dominante de notre époque, dans le monde entier, c'est on est heureux parce qu'on a beaucoup de choses dans nos étagères, on les montre aux autres de manière un peu ostentatoire, et on a l'impression qu'on remplit le vide à l'intérieur de nous par des nouveaux achats, des nouveaux trucs, des nouveaux machins, des nouveaux bidules. Sauf qu'en fait, ça marche pas pour tout un tas de problèmes sur lesquels je ne vais pas revenir et que j'ai déjà largement adressé dans différents épisodes du podcast. Et donc, je me suis dit, il faut qu'on contribue à faire exister d'autres histoires avec d'autres possibilités de bonheur, mais cette fois des bonheurs beaucoup plus profonds, beaucoup plus féconds, et qui en plus permettraient à d'autres personnes aussi d'avoir une situation heureuse, décente, enthousiasmante, parce que malheureusement, en plus, les bonheurs de notre époque, ils prennent aux autres, en fait. Ils asservissent d'autres, ils dominent d'autres, et c'est pas possible, parce que nous, les êtres humains, on est des animaux sociaux, on a besoin d'exister dans une communauté. Je vois pas comment on peut être heureux actuellement à notre époque avec autant de malheurs autour de nous. Et alors, c'est intéressant ce que tu racontes, parce que de parler de bonheur collectif, parce que ce soit avec le projet Ça commence par moi, qui propose de mettre en place des actions que chacun peut choisir sur une année pour changer le monde, ou avec ce podcast qui met en lumière les acteurs du monde de demain, tu as choisi de montrer qu'un avenir d'abondance, comme tu dis, pouvait passer par des actions individuelles. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette porte d'entrée pour parler d'écologie et d'utopie? En fait, je me permettrais de reformuler un peu ta question en disant que j'ai pas choisi de montrer qu'on pouvait contribuer à changer le monde, comme tu le dis rapidement, parce que c'est ce qu'on dit à notre époque, de manière individuelle, mais que nous, les individus, en l'occurrence, chacune de nous, elle a vraiment du contrôle sur soi-même, en fait. On n'a pas de vrai contrôle sur les autres. Et donc, c'est en activant ce contrôle sur soi-même qu'on peut vraiment être puissant dans notre capacité à faire bouger les choses individuellement, parce qu'il y a plein de moments où on est seul dans nos vies, mais aussi collectivement, parce que là, on décide de faire corps, de faire masse, de rejoindre, de se mettre au service. Et donc, l'individu, je pense que oui, c'est la porte d'entrée pour le changement, parce que ça commence par soi d'incarner ce qu'on veut être pour le monde, ça commence par soi de s'autoriser à être pleinement vivant, à être heureux et à l'expérimenter dans sa chair. Par contre, on ne peut pas chacun mener cette quête-là individuellement dans des couloirs séparés. On ne peut pas rester dans une compréhension et une action en silo. On a besoin, du coup, en décidant de commencer par soi, se rendre compte à quel point on est interdépendant et donc d'accepter qu'on doit être ensemble pour réussir à se mettre à la hauteur de tous les enjeux de notre siècle. Oui, c'est l'individu au service du collectif, en fait. Et vice-versa. Ok, ça me va. On en parlait juste avant, l'autre lunette, on va dire, que tu as choisi pour inspirer les gens et les aider à entrer en action, c'est... C'est trop bizarre parce qu'à la fois, je suis hyper à l'aise dans toutes ces questions et à la fois, il y a un moment où je me dis, mais attends, j'ai pas, moi, la question pour le prochain moment de l'épisode, là. Non. Et donc, du coup, c'est normal que j'ai pas de questions parce que c'est pas à moi d'en poser. Bon, bref, pardon, je suis une... Tout va bien, t'inquiète pas. Je te regardais en train de poser la question, je me suis dit, mais attends, et moi, et qu'est-ce que je dois dire après? Et non, en fait, je me laisse porter. T'as juste à te laisser guider, tout va bien. Alors, ce que je te disais, donc, c'est l'autre fenêtre par laquelle tu regardes, c'est de créer de nouveaux imaginaires autour du monde de demain. Est-ce que c'est important pour toi d'imaginer un futur désirable? Est-ce que c'est un moyen d'éviter les discours trop pessimistes qui peuvent être paralysants? Pourquoi Alors, est-ce que cette question de l'imaginaire, elle est aussi centrale dans ton travail? Les discours pessimistes, malheureusement, dans cette case-là, on met en général les discours qui permettent de se rendre compte à quel point on est dans une situation catastrophique. Et donc ça, c'est un discours, c'est vrai, difficile, mais pas pessimiste. C'est juste qu'il est responsabilisant, ce discours. Ça, c'est la première clarification, parce que immédiatement, je pense qu'on peut entendre ça derrière ta question. Mais effectivement, en général, on dit, bah voilà, l'avenir, ça va être l'effondrement, la raréfaction des ressources, la guerre planétaire, parce que des déplacements en masse, parce que bah, du coup de plus en plus de tensions, des grands conflits à venir, parce que l'eau est en train de se raréfier, par exemple, à la frontière de l'Inde et du Pakistan. On imagine aussi tous les mouvements de l'Afrique, du Moyen-Orient, bref, en plus avec des boutons nucléaires, etc. On sent que ça va être carrément la catastrophe, et en tout cas, on se projette uniquement vers cette fin-là. Sans parler, comme je le disais, d'effondrement du système thermo-industriel, de notre système de santé qu'on commence parfois à voir un peu poindre chez nous, mais qui sont parfois largement ces effondrements généralisés dans d'autres pays. Je le dis en conscience parce que je l'ai un peu vécu en Colombie et aux Philippines, même si moi j'étais dans ma bulle d'expat occidentalisé. Enfin, on vivait dans les bidonvilles, mais on est expat, donc en fait, on a juste appuyé sur un bouton pour rentrer chez nous. Et donc oui, on est une espèce fabulatrice, on a besoin de se raconter des histoires pour exister ensemble et pour se mettre en mouvement, et malheureusement on est en train d'utiliser le pouvoir de la prophétie autoréalisatrice contre nous, parce qu'on dit demain ça va être pire. Et donc à partir du moment où on dit demain ça va être pire, on fait exister ce cap dans notre regard et on s'y dirige fatalement, en se laissant comme seule possibilité au mieux de s'y préparer un peu et qu'à la fin on se dise bon bah finalement c'était pas si pire que ça parce que j'ai réussi à bien m'y préparer ou à freiner au maximum pour que on évite de se prendre le mur. En ce moment on parle beaucoup de mur, alors qu'en fait nous, étant donné qu'on chemine vers les caps qu'on se fixe, qu'on s'autorise à se fixer, on a besoin de reprendre ce pouvoir de la prophétie autoréalisatrice en l'utilisant de manière positive cette fois, en se disant tiens, et si en fait demain ça pouvait être mieux. Et à partir du moment où on se dit que demain ça pouvait être mieux, qu'on fait exister ces nouveaux futurs, ces avenirs enthousiasmants, alors en fait on change, on bifurque, on change de cap, on change de chemin. Et donc on n'a plus besoin d'être sur le sillon surconsumériste qu'on essaierait d'atténuer un peu en se disant on va faire moins de mal. Non, on vise carrément d'autres histoires, d'autres relations au monde, d'autres relations au vivant, d'autres relations aux autres et à nous-mêmes. Et donc potentiellement, et c'est pour ça que c'est important de le dire, d'autres abondances. Et je pense que ça c'est clé des abondances qui pourraient advenir dans les années à venir, elle est centrale parce que on avance à la désirabilité, nous, l'humanité. Il y a une partie de l'humanité, je pense que j'en fais partie, qui est très heureuse d'avancer à la contrainte. On a besoin de se dire que ça va être difficile, qu'on doit se limiter parce que c'est devenu un jeu et ça nous permet de changer. Mais il y a aussi une partie de l'humanité qui a besoin, et ça en général c'est la majorité, de se dire en fait waouh, ça me donne envie et donc j'ai envie d'y aller par plaisir, par goût. Et donc c'est comment on raconte tout ce qui va être mieux demain, alors qu'en fait c'est pas c'est, là comme ça on a l'impression que c'est un peu difficile, alors qu'en fait c'est pas si difficile que ça, parce que il suffit de dire oui, demain en fait on va avoir une humanité en meilleure santé, on va avoir une humanité avec plus de temps, on va avoir une humanité avec plus de liens et moins d'individualisme et moins d'ego et moins de violence et moins de domination et plus de créativité, une humanité qui rigole plus, une humanité qui voit plus la beauté, qui suit son bonheur profond. En fait, je pense que si tu dis tout ça, bah, les gens y signent. C'est juste que vu qu'on n'a pas réussi à le faire exister dans nos discours, bah, on est un peu prisonnier de, comme le disait mon grand-père, on sait toujours ce qu'on perd, on sait jamais ce qu'on gagne, et c'est ça qui fait que c'est difficile de changer. Alors que si on sait ce qu'on gagne, bah on a encore plus de facilité à lâcher ce qu'on perd, parce qu'en fait ce qu'on perd, c'est plein de difficultés, c'est plein de problèmes, c'est plein de chaos, on est en mauvaise santé, on n'est pas heureux dans nos boulots, on n'est pas heureux entre nous, et on se fait la guerre, et on s'exploite, et on se domine. Et ça, en fait, si tu le mets sur le papier et que tu dis « Venez, on va vers d'autres caps autrement plus enthousiasmant », je suis sûr qu'il y aurait plein de gens qui auraient envie de le lâcher, ce présent qui nous fait souffrir. C'est pour ça alors que tu as appelé ton podcast « 2030 glorieuse ». Pourquoi est-ce que tu as choisi de convoquer cet imaginaire-là et de te référer à un passé qui est lié à l'abondance ? Ouais, l'envie de se dire que si l'histoire est un cycle, eh ben, on en profite pour s'approprier ces cycles et les réécrire dans notre sens. Et donc à un moment, il y a eu les 30 Glorieuses en France. Mon grand-père m'en parlait avec des étoiles dans les yeux parce que c'était une époque où demain allait être forcément mieux en termes d'éducation, de santé, forcément de pouvoir d'achat, des métiers moins difficiles, et il savait bien de quoi il parlait. Et c'est vrai que bah, quand on se réveille en se disant bah, « Tiens, qu'est-ce que je vais avoir de génial dans ma vie aujourd'hui ?» ça fait rêver. Moi, je le voyais, ça, dans ses yeux, quand il me racontait ces histoires-là au repas de famille du dimanche. Il me le racontait à travers tout un tas d'anecdotes, mais de se dire « Mais en fait, tu te réveilles en disant « Waouh !» Qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui ? C'est génial, de positif. Alors que nous, et en tout cas moi, dans ma vie, j'ai l'impression qu'à 38 ans, tout le temps, j'ai été dans un monde en crise et qu'on se réveillait en se disant « Mais qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin de la figure encore aujourd'hui ?» Et donc, c'est plus possible de faire ça. Et profitons de ces 30 glorieuses qui pourraient potentiellement revenir, mais cette fois en les orientant vers bah, du coup d'autres abondances. On va pas aller faire fonctionner au pétrole ces 2030 glorieux, on va les faire fonctionner à l'amour, à la créativité, à la solidarité, pour bah, qu'on n'ait pas beaucoup plus de trucs, de machins, de bidules dans nos étagères, mais au contraire, beaucoup plus de liens, beaucoup plus de justice, beaucoup plus de tolérance, beaucoup plus de bonheur, ouais. Et ça, de se raconter ça, de se dire que ça peut advenir, je pense que c'est la condition sine qua non pour qu'ensuite on revienne dans le présent et qu'on le fasse vraiment advenir. Et alors justement, toi dans le présent, tu interviews, pour imaginer ces 2030 glorieuses, tu interviews des personnes que tu appelles, je te cite, les signaux faibles de demain. Comment est-ce que tu choisis les invités de 2030 glorieuses ? Est-ce qu'il y a des critères pour avoir la chance d'être interviewée ? Je ne les ai jamais posés sur le papier, ces critères, c'est vraiment du feeling. Ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent contribuer à ces abondances, donc ils doivent pas simplement... Ils peuvent de temps en temps avoir une partie de leur activité qui consiste à limiter la destruction du monde actuel, mais en réalité, l'essentiel de leur énergie doit être dédié à faire exister de nouvelles abondances, parce qu'en fait, ils vont avoir une activité qui va participer à la régénération du vivant, à la régénération des liens, à plus de beauté, à plus de poésie, à plus de plein de choses. Moi, j'aime bien l'idée que quand ils nous parlent de leur métier, ils nous parlent de tous les plus, plutôt que simplement de faire du moins. Et je trouve qu'en ce moment, bah, en général, quand on parle de supposément de métiers écolos, c'est des métiers qui aident à faire moins d'empreintes carbone, moins de déchets, moins de trucs. Et c'est en fait pas suffisant, c'est une porte d'entrée. Et ensuite, j'essaye de faire en sorte que ce soit des métiers qui pourraient être présents presque dans les 36 000 communes de France. Le truc qui a été lancé et qui va percer à l'échelle nationale et internationale par une personne inspirante dont on se dit mais en fait elle l'a fait parce que bah, elle est un peu extraordinaire mais jamais je pourrais le faire. Non, quelque chose où en fait quand on entend parler cette personne on se dit bah ouais pourquoi pas moi, et pourquoi pas moi dans mon quartier, pourquoi pas moi dans ma ville, dans mon village, et donc pourquoi pas moi pour potentiellement 10, 20, 30, 50, 100 000 personnes avec cette idée de changement d'échelle et de normalisation de ces métiers d'une sorte d'humanité reterritorialisée. Voilà. Il y a l'idée de se dire que c'est quelque chose qui peut faire partie de ma communauté à taille humaine. Et est-ce que tu en profites justement pour aller voir des gens qui, toi, t'inspirent pour répondre à des questions que tu te poses de façon plus personnelle ? Toujours. C'est toujours des personnes qui attisent ma curiosité. Et je pense que la curiosité que j'ai pour ce monde et pour ces gens, c'est mon moteur principal. Et j'y vais parce qu'en fait, j'ai trop envie de leur parler. Et ça, vraiment, le podcast, c'est un prétexte à la curiosité. C'est un prétexte à ce que j'aille rencontrer des gens géniaux. Et en fait, c'est ça aussi qui est chouette, c'est quand je dis aux gens « Ah bah j'aimerais bien t'interviewer dans le podcast », forcément ils me disent oui. Si je leur disais juste « Ah bah je te trouve génial, est-ce que tu veux prendre un café ?» Malheureusement, souvent les gens ils sont tellement en surcharge d'activité qu'ils ne s'autorisent pas à faire ça. C'est bien vrai. Tu as fait plus d'une centaine d'épisodes, je ne sais pas exactement combien. En fait, il y a un peu des épisodes bonus, etc. Donc j'ai interviewé plus de 100 personnes qui ont des métiers inspirants. Mais au total, je crois qu'on doit être à 120-130 épisodes maintenant. Et parmi toutes les personnes que tu as interviewées, est-ce qu'il y en a qui t'ont le plus marqué ? En fait, il y en a qui m'ont marqué parce que leurs métiers sont géniaux. Je pense à Marie Petit qui fait l'école dans la nature. Je pense à Ophélie Damblé qui est agricultrice urbaine. Il y en a qui ont une capacité de projection en 2030 glorieuse qui est géniale. Je pense à Jean-Pierre Gould qui tout de suite était hyper à l'aise dans ce qu'il m'a raconté. Il y a des personnes qui sont dans une énergie du présent qui est incroyable. Je pense à Riyad Salem qui menait l'interview alors qu'il était dans une voiture en kit main libre et tout. Et pourtant, à chaque fois qu'il me disait quelque chose, je buvais ses paroles. Je ne sais pas jusqu'à quel point je pourrais réécouter tous les épisodes, mais je pense à Sandrine Rudeau ou à Mathieu Baudin qui, quand ils parlent des utopies, des nouveaux récits, me font me sentir au bon endroit, au bon moment et à cheminer dans les pas d'autres personnes qui sont encore plus expérimentées, encore plus inspirantes. Ouais, il y en a plein de podcasts pépites, ouais. En fait, il n'y a aucun épisode où je me suis dit « Oh là, c'était vraiment nul, il faut que je le mette parce que j'ai rien à publier la semaine prochaine », mais il n'y en a aucun. Et tu as déjà d'autres envies ? Est-ce qu'il y a des personnes que tu rêverais d'interviewer ou des métiers ? Bah, y a un métier que je me garde un peu comme un cadeau que je ne me suis pas encore autorisé, qui serait celui de je ne sais pas comment on l'appellerait en plus, mais d'artisans cyclistes qui font des vélos sur mesure parce que j'en ai identifié un ou deux qui ont l'air chouettes et j'adorerais aller passer une journée dans leur atelier, que ce soit à Clermont parce qu'il y a les ateliers Victoire Cycle là-bas qui sont trop beaux et à chaque fois je bave devant leur vélo, ou d'autres dans le sud de la France qui font notamment des ateliers des vélos en bois. Mais là, d'autres comme ça, il n'y en a pas immédiatement qui me viennent en tête. Je fais vraiment au feeling en général, un peu au gré des rencontres, au gré de mes lectures. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui me donne envie, je fais en sorte que l'interview elle soit réalisée dans les deux prochaines semaines. Ouais. Et justement, comment est-ce que tu prépares ces podcasts ? C'est un travail du quotidien ? C'est des choses que tu lis qui vont infuser ? Tu vas dire, ah bah tiens, en fait, si j'interviewais cette personne ou ce métier, ça se passe comment ? En fait, j'essaye d'avoir en tête les thématiques du moment pour soit apporter un contrepoint depuis les 2030 glorieuses. Là, l'une des prochaines personnes que j'ai interviewées, elle travaille sur l'intelligence artificielle. Je trouve qu'en ce moment, on dit tellement de trucs horribles comme si c'était évident sur l'intelligence artificielle que j'ai envie d'apporter un peu de la nuance, de la complexité depuis les 2030 glorieuses sur le sujet. Et il y a plein d'autres sujets sur lesquels moi j'ai des angles morts fous que j'essaye un peu de creuser, notamment la santé. Et donc bah voilà, là je creuse, je cherche, j'essaie de me mettre aussi à la place des personnes qui m'écoutent en me disant bah, qu'est-ce qui les préoccupe en ce moment et comment je peux les aider dans leur vie du quotidien pour incarner plus fort ces 2030 glorieuses. Donc il y a un peu ce triangle de l'action que j'essaie de générer, que ce soit dans les grands sujets forts, dans mes angles morts et dans les sujets qui pourraient potentiellement intéresser les personnes qui m'écoutent. Et je posais un peu cette question pour savoir comment aussi tu fonctionnais concrètement au quotidien, parce que j'ai remarqué parmi la plupart des personnes que tu interviews, beaucoup disent que dans leur métier, c'est un engagement qui dépasse le cadre de simple horaire de bureau. Est-ce que toi, c'est pareil ? Est-ce que tu vis, tu dors, tu manges 2030 glorieuses ou, est-ce que tu arrives un peu à faire des pauses ? Comment ça se passe ? C'est un engagement qui prend toute la place ou Moi, je vis, je mange, je dors en 2030 glorieuses. Mais des fois, j'arrive à faire des pauses dès 2030 glorieuses. Parce que si tu veux vraiment les incarner, ces 2030 glorieuses, tu peux pas tout le temps être derrière ton ordinateur pour monter un podcast, en train d'animer des ateliers de reprise en main du pouvoir des imaginaires, parce que sinon, t'es pas chez toi avec tes proches. Et d'une certaine manière, bon, bah, y a les temps du quotidien et le fait d'avoir des enfants particulièrement aide beaucoup à se mettre au service bah, de la logistique ouais, d'un foyer et puis des temps d'émerveillement de tes enfants que tu vois grandir. Et donc ça, ça me permet de couper forcément de ce qu'on va appeler mon travail. Et puis après, bah, j'essaie de faire en sorte d'avoir des espaces de futilité dans ma vie, que ce soit le sport avec la course à pied, le basket, c'est des choses qui prennent du temps et j'en suis ravi, ou de la lecture à fond, ou de la réparation de mon vélo, ou de l'amélioration de mon vélo aussi, je prends beaucoup de plaisir, donc j'essaye, ça en général je le mesure au nombre de livres que je lis ou au nombre de BD que je lis. Si je suis dans une période de tension, bah, je me rends compte que ma pile de livres à lire, elle diminue peu. Et là, tout de suite, ça me fait me rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc, j'essaie de respirer un peu, de lever la tête du boulot. C'est bien, ça, comme thermomètre, la pile de livres. Ouais. Non, je te jure, ça marche vachement bien. Et aujourd'hui, t'es plutôt dans une période comment ? Ah là, les romans, je les enchaîne, je suis trop content. Donc, c'est-à-dire que tout va bien, c'est alors. C'est bon signe, ouais, tu mets, c'est le bon moment pour mener l'interview, effectivement. Tant mieux. J'imagine que tu rencontres, lors des conférences que tu peux faire, des ateliers, pas mal d'auditeurs et d'auditrices. Est-ce qu'ils te font des retours sur ce que ton podcast ou tes livres peuvent leur apporter? Ouais, c'est marrant. À chaque fois, même maintenant... Non, à chaque fois, allez, franchement... Il n'y a pas à se cacher. Que j'anime un atelier, que je participe à une table ronde ou à un événement public, il y a une personne à un moment qui va venir me dire « Tu sais, j'écoute tes podcasts, je trouve ça génial, ça me fait un bien fou, ça me permet de, voilà, de conserver foi en humanité. Là, il n'y a pas longtemps sur LinkedIn, une personne qui me dit « Tiens, en fait, grâce à ton podcast, je me suis autorisé à changer de métier. » Ça, c'est les témoignages que je trouve le plus fort, quoi. Et d'autres personnes, et ça aussi, j'adore, et donc faut pas hésiter à m'en faire, qui me disent « Mais en fait, tiens, pour ton podcast, je verrais trop cette personne. » Je la trouve géniale à plein d'égards et tout, et donc c'est des personnes qui sont tellement touchées par le podcast qu'elles ont envie de contribuer, et donc je sens qu'il y a un peu cette communauté qui se fédère autour de l'idée des 2030 heureuses, donc ouais, je trouve ça chouette. Et est-ce que tous ces retours te donnent l'impression d'apporter ta brique à un monde de demain plus juste et écologique? Ces retours me font me rendre compte à quel point nous, les êtres humains, malheureusement, on se limite à avoir un impact négatif sur les autres parce qu'on tire la gueule, qu'on se plaint, qu'on fait des critiques négatives et que quand on rentre dans un lieu public, on n'est pas très rayonnant, pour le dire gentiment. Alors qu'on a exactement ce même pouvoir à l'inverse sur les gens, qui est de les mettre en mouvement, de leur donner... ouais, une occasion de voir le monde comme aussi il est, c'est-à-dire beau, joyeux, rempli, abondant. Et moi, j'ai en tout cas au maximum, même si c'est pas tout le temps facile, envie de me saisir de cette capacité à influencer positivement les autres, leur donner l'occasion de vivre cette vie de manière plus apaisée, plus sereine, plus joyeuse. Julien, tu sais que bientôt on va faire un saut temporel pour passer en 2030, mais avant, pour préparer nos auditeurs, je te propose que tu nous lises un passage d'un livre que tu as choisi, et je suis sûre que les oreilles qui nous écoutent sont curieuses de savoir quel texte tu as eu envie de nous partager. D'autant que Caroline, en fait, c'était hyper dur parce que j'en ai lu pas mal des livres depuis ces dernières années parce qu'il y a souvent des invités qui me disent « En fait, je sèche un peu, je sais pas quoi faire » ou pour plein de raisons, la lecture se fait pas. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder ma bibliothèque, j'ai tout de suite vu que j'avais déjà un peu épuisé, tari la source de ces récits utopistes. Et à la fois, j'avais sur ma table de chevet un livre que je viens de recevoir récemment qui s'appelle Les mots qu'il nous faut de Jeanne Hénin, qui a été publié aux éditions de la Mère Salée, que j'ai commencé à parcourir, et je me suis dit c'est pas grave, c'est pas un passage comme je les lis classiquement, mais ça va être chouette. Je vous lis tout de suite l'intro, vous allez comprendre à quelle sauce vous allez être mangé, puisqu'en fait c'est un dictionnaire des nouveaux mots. Le préambule dit ça: assise derrière une longue table, chaussée de larges lunettes, je regarde les passants, les passantes. Souvent, Titiane est à mes côtés et nous sommes un duo. Deux chaises sont posées en face de nous, de l'autre côté de la table, pour accueillir qui veut s'asseoir. Derrière nous, une dizaine de mots étranges sont affichés au mur, des phrases peuplées de sons de diverses langues et d'expressions inconnues. Des compositions qu'on ne peut voir ailleurs mais qui sont intelligibles, comme une langue nouvelle et pourtant familière. Vous vous arrêtez, intrigué. Peut-être que vous regardez ces mots épinglés et, ou que vous nous posez une question sur cette installation, sur la raison de notre présence ici. Alors j'engage l'échange et je vous demande, avec la période que nous traversons, y a-t-il des expériences que vous vivez, des émotions que vous ressentez pour lesquelles vous n'avez pas de mots? De ces échanges naît une performance unique liée à cette rencontre, autant qu'il fait ce jour-là, vous qui êtes arrêté à ce que vous avez vécu et à ce qui vous touche. L'action que nous menons à ce moment est aussi liée à ce qui me vient à l'esprit à cette heure-ci. À ce que je peux vous offrir et accompagner, à ce que m'ont enseigné mes heures dans les bois et avec des enfants. Parfois, un matériau émerge de la discussion, une impression nouvelle est nécessaire pour laquelle vous devez trouver un nom. Alors, nous tissons ensemble le mot qu'il vous faut. Et donc, comme ça, je vais vous lire quelques définitions de nouveaux mots qu'il nous faut. Comme par exemple le mot « anhérité ». C'est un verbe transitif, issu du préfixe privatif « an » et de « hérité ». Refuser par éthique et non par souhait la transmission de valeurs ou de traditions d'ancêtres proches. Un exemple, Alice sera la première sur 4 générations à anhériter l'élevage de porc familial. Un autre mot, Cosmi Basket, nom féminin pluriel issu de cosmique et de basket. Dans un contexte d'angoisse et de vertige quant à l'avenir de la vie sur Terre, c'est la chaussure que l'on enfile pour aller courir, pour sentir la puissance de son corps et son lien avec le cosmos. C'est une porte d'entrée pour exercer un rituel en tout lieu. La définition. J'étais terriblement attristé par une conversation sur les catastrophes naturelles dans le monde. Dès que j'ai enfilé mes Cosmi baskets, j'ai été soulagé temporairement. Un autre mot, l'humilité. Verbe d'action, issu de lumière et lutter. Voir aussi l'humilutante, adjectif, et l'humilutant, nom. Agir avec intention et conviction, mu par un espoir radical, pour qui l'humilute, se résigner n'est pas une option. Parfaitement lucide sur les difficultés, les l'humilutant et l'humilutante se concentrent sur les failles du système, sur l'étendue des possibles et sur le potentiel humain. L'humilité mobilise une énergie d'action déterminée qui permet de sortir de l'impuissance. Un des slogans des l'humilutantes est « Now Future », une référence lumipunk à « No Future ». Et l'exemple c'est « Yo avait décidé d'avoir foi en l'humanité » et en l'avenir. Elle avait choisi de dépasser le récit ambiant, catastrophiste, indiquant que tout était joué et qu'il n'y avait plus de perspective. Elle avait créé une maison d'édition l'humilutante dédiée aux utopies. Un dernier pour la route par gourmandise. S'occidenter. C'est un verbe issu du latin occidere qui peut signifier mourir ou se coucher en parlant des astres, en référence à la direction où le soleil se couche. Opposé au terme latin « oriens », qui peut signifier « surgir, se lever, là où le soleil se lève », qui a donné en français « s'orienter ». Et la définition c'est « se perdre volontairement en déambulant pour retrouver du sens ». Un exemple, Sylvain partit en forêt et s'occidenta avec plaisir. Peut-être allait-il enfin perdre ses repères pour ensuite mieux s'orienter dans sa vie. Merci pour nous avoir fait découvrir ce livre. Avec plaisir. Que je trouve vraiment très, à la fois intelligent, original et sensible. Et c'est tout à fait le genre de livre que je pourrais offrir autour de moi. Et je trouve que l'idée d'avoir des mots qu'il nous faut, c'est en fait hyper puissant parce qu'on raconte du coup ces nouvelles histoires. Et parfois, on a besoin de reprendre les mots qui ont été accaparé par le capitalisme. C'est pour ça que moi j'aime bien l'idée de parler de croissance, parce qu'en général, dès qu'on parle de croissance, on a tout de suite en tête la croissance économique, alors qu'en fait il y a plein d'autres croissances, bordel, il faut le dire, mais qu'il y a aussi plein de mots qui nous manquent, et donc l'idée de créer ces mots, ça, je trouve que ça a tout son sens, et le travail de Jeanne Hénin est génial. Et c'est un peu le passage parfait pour le wesh qui nous attend, Julien, et pour partir en 2030. Donc on va doucement décoller vers l'horizon 2030 pour imaginer à quoi ressemblera un monde plus juste, dans lequel le vivant sera au centre de notre attention et dans lequel peut-être certaines utopies auront été réalisées ou seront en cours de réalisation. Comme tu connais bien cet exercice, Julien, je te propose de l'expliquer en quelques mots. En quoi ça consiste, ce voyage vers 2030 glorieuse ? On va faire exister les 2030 glorieuses dans notre esprit, là, dans notre conversation, Caroline. Et donc, du coup, forcément, bah, ça va partir un peu dans tous les sens. C'est comme presque un spectacle d'impro sur lequel on va, dans lequel on va surenchérir sur les idées loufoques de l'autre. Et de temps en temps, bah, on a besoin d'atterrir un peu, ou en tout cas de le faire de la manière la plus compréhensible possible pour que les gens puissent, qui nous écoutent, hein, les gens qui nous écoutent puissent à leur tour s'y projeter dans ce monde-là et en tout cas le temps de notre conversation en faire partie. Donc on a besoin là de décrire les couleurs, de décrire les odeurs, les textures, que ça soit tangible dans le cerveau, entre les oreilles des gens qui écoutent ce podcast. Et bien alors c'est parti. Avant qu'on atterrisse en douceur, j'ai une première question de sémantique. Comment s'appelle ton podcast, s'il existe encore, en 2030? Ouais. 2040 glorieuse. Ouais, c'est marrant parce que d'une certaine manière, bah, j'avais envie de te répondre que le podcast n'existe plus, Caroline, en 2030 glorieuse. On n'en a plus besoin. On vient de rentrer en 2030 glorieuse. Les historiens se sont accordés sur le fait que, effectivement, les 2030 glorieuses, elles ont même commencé sans doute en 2027, 2028, au gré de certains événements historiques, politiques, économiques forts sur lesquels on pourrait revenir. Et à la fois, bah, moi j'ai envie de continuer à raconter tout ce qui marche, tout ce qui donne envie. Et donc, je ne sais pas si je suis en train, là, en ce moment, justement, de me poser la question de savoir si on travaille sur les 2040 ou les 2050 glorieuses et besoin de cet avenir qu'on peut toucher, mais qui est quand même un peu lointain. Ou si, au contraire, on va faire en sorte de valoriser encore plus qui marche en 2030 glorieuse pour créer de la fierté d'appartenir enfin dans ce monde. Je suis à un moment de redirection là, tu me prends un peu au dépourvu parce qu'on est en cours d'idéation sur l'avenir du podcast 2030 glorieuse. D'accord, mais tu penses vraiment qu'on n'aura plus besoin de continuer comme ça à inspirer des gens ? On aura toujours besoin d'inspirer les gens. L'humanité, elle a besoin d'être inspirée, l'humanité, elle a besoin de se dire que ça peut être mieux à la fois. Étant donné qu'en 2030 glorieuse, on s'est retroussé les manches, que nos objectifs sont clairs et qu'on a réussi à planifier de manière ambitieuse la réduction des désastres d'hier et aussi la régénération du vivant et plein de nouvelles abondances, on est très concentré dans le présent. Et donc peut-être que c'est un moment où on a un peu moins besoin de nous raconter tout ce qui pourrait nous mettre en mouvement, puisqu'on est déjà en mouvement. Là, on est dans la réalisation, on est dans la mesure de nos nouveaux impacts, on est vraiment dans... Ouais, on est les mains dans le cambouis dans cette première phase des 2030 glorieuses. Il y a 10 ans en arrière, c'était pas du tout la même chose, puisqu'on avait besoin d'oser regarder ces 2030 glorieuses pour se mettre en mouvement et s'organiser pour qu'elles adviennent. Là, maintenant, on est dans leur réalisation des 2030 glorieuses. C'est pour ça que je te dis que peut-être la nouvelle phase du podcast ou de mon travail, ça sera de montrer à quel point il y a des gens qui font des choses vraiment génialissimes pour les rendre encore plus fiers, pour les rendre encore plus radieuses et encore plus puissantes. Peut-être que ça sera ça la nécessité qui me semblera la plus importante. J'ai pas encore tranché. Ou peut-être qu'en fait, je me dirais, bon, bah, ne nous contentons pas de nos acquis, on est en train de se retrousser les manches. Tout ce travail du présent, il a besoin d'être nourri d'espoir pour encore d'autres meilleurs, pour pas qu'on se limite à tout ce qu'on est en train de faire. Je t'ai dit, j'ai pas encore tranché. Très bien. Alors maintenant que nous avons atterri en 2030 ou 2035 ou 37, qu'est-ce que tu vois depuis ta fenêtre et aussi qu'est-ce que tu entends ? Ben, je suis très très heureux de me dire que ça y est, là, on a enfin décidé de faire tomber toutes nos clôtures. Moi qui habite en Red Jardin, C'est vrai que j'étais le premier il y a 10 ans en arrière à bien penser à fermer la porte parce que bah, y a les jouets pour les enfants, les vélos et c'est quand même un petit espace qui nous appartenait à l'époque où on se disait bah, c'était notre petit chez nous, notre petit havre de paix. Et là ça y est, on a fait un peu tomber toutes les clôtures, on est en train d'enlever les fondations, de taper aussi sur le béton qui faisait les petits murets. On s'ouvre en fait, on s'ouvre à notre communauté, on se rend compte que bah, effectivement on a des espaces qu'on peut cultiver mais qu'en fait ils ne nous appartiennent pas vraiment et que c'est ok que d'autres aussi puissent s'en saisir. Là pour l'instant on va par étapes, hein. On a déjà ouvert pour que ça soit notre communauté proche, donc les gens qui habitent dans notre immeuble, qui puissent en profiter. Et puis bah, peut-être que dans quelques mois, années, si on se rend compte que ça marche bien, on aura envie d'ouvrir encore parce qu'il y a d'autres clôtures qui sont là, elles, sur l'allée piétonne, qui est là en fait ouverte au grand public et qui mériterait aussi en fait de tomber parce que les gens qui y passent, ils ont le droit d'avoir accès à un petit jardin et de contribuer à tout un tas de choses, puisque en 2030 Glorieuse, on contribue beaucoup plus, on prend soin. À l'époque, c'était normal d'une certaine manière d'avoir des clôtures parce qu'on avait chacun son petit giron à protéger, peur que l'autre puisse se l'accaparer ou l'abîmer. En fait, en 2030 Glorieuse, vu qu'on est tous et toutes impliqués sur le soin au vivant, on a au contraire tout intérêt à ouvrir et à faire tomber ces barrières. Donc j'aurais bien aimé te dire que j'entends les oiseaux et tout, mais là en ce moment c'est plutôt le marteau-piqueur et les outils qui démontent ces barrières que j'entends. Et alors en 2030 Glorieuse, alors pour ceux qui, les personnes qui nous écoutent ne peuvent pas voir où est-ce que tu habites, mais c'est vrai que c'est un peu une sorte, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, mais il y a un regroupement d'immeubles qui est un peu détaché du reste de la ville. Il y a un passage, une allée piétonne qui coupe tous ces immeubles et qui nous donne l'impression qu'on est un peu dans un havre de paix. Alors, il y a 10 ans en arrière, on voyait encore beaucoup le béton, mais là, on a planté des arbres fruitiers, donc il y a une super végétation, on voit beaucoup de vert. Et donc vraiment ça fait un petit oasis de verdure au milieu de Lyon, en sachant qu'en plus on n'est pas très loin du parc Blandan, qui est un magnifique parc qui est très très réputé et qui fait partie de tous ces parcs aussi qui ont été associés à l'initiative, tu te souviens, Jardins de la Victoire. Donc là c'est les jardins et les parcs de la Victoire, mais cette fois non plus pour gagner contre l'envahisseur comme à l'époque pendant la Seconde Guerre mondiale où on cultivait de partout pour nourrir la population. Cette fois c'est vraiment pour réancrer le vivant à travers notre alimentation et faire en sorte que dans des grandes villes on ait aussi une partie de notre alimentation qui n'ait plus besoin de venir à nous en utilisant des camions avec des énergies fossiles ou des choses comme ça. Et comment toute cette communauté autour de vous, alors je ne sais pas comment les qualifier, mais toutes ces personnes qui vivent autour de vous dans ces immeubles, comment est-ce que vous vous organisez aujourd'hui en 2030 en communauté? Est-ce qu'il y a une vie, il y a des actions en commun comme cultiver des potagers? Est-ce qu'il y a des, je ne sais pas, on pourrait imaginer qu'aujourd'hui les gens s'organisent pour s'occuper des enfants, pour garder les enfants des autres, pour faire plus d'activités en commun, pour peut-être apprendre des... même si on est amateur dans une pratique, la transmettre à d'autres personnes ? Ouais, t'as raison, c'est une bonne question. Il y a différentes échelles de vie dans une communauté, en fait, et différents temps. Alors, il y a le calendrier des saisons, avec une régularité sur laquelle on est revenu. À l'époque, les saisons, voilà, c'était... l'été, c'est la période des barbecues, Noël, enfin, l'hiver, c'est la période de Noël et des cadeaux. Et on se limitait un peu à ça. Je caricature à peine, t'avais les crêpes, et puis, franchement, c'était quand même assez limité. Et toujours très lié à la nourriture, d'ailleurs. Ça reste encore très lié à la nourriture, mais effectivement, on a des temps de communauté, parce que, on sait que, par exemple, tu vois, en mars, c'est le moment où on va reprendre soin du jardin, planter, tailler. Et donc là, la communauté, elle se retrouve pour ça. Il y a des moments où aussi, on récolte, on récupère et donc on fait ensemble des compotes, des confitures, on a tout un tas de moments où c'est vrai qu'encore on cuisine. Il y a aussi des temps d'échange ritualisés. Moi, qui est bien ralenti mon temps de travail en 2030 Glorieuse. Je participe notamment à deux choses qui, moi, me font vraiment plaisir. Et il y en a un, c'est à l'échelle vraiment du quartier dans son ensemble. C'est notre atelier de réparation de vélo où là, on aide les gens à être plus autonomes dans la réparation de leur vélo. On pimpe nos vélos en fonction de nos besoins. On les, comment dire, on les traficote, quoi, d'une certaine manière. On les améliore parce que de temps en temps, il y a besoin d'y accrocher une carriole pour y mettre les enfants. De temps en temps, il y a besoin qu'ils portent un peu plus de poids pour aller récolter des fruits et des légumes, etc., etc. Et puis on a envie qu'il soit beau. Et puis on organise une vélorution une fois par mois. On fait un peu la course dans tout Lyon qui est fermé pour les vélos. Enfin, c'est assez chouette. Et on a aussi un club de lecture où on se nourrit de temps en temps d'un essai, de temps en temps d'une BD, de temps en temps d'un livre pour enfants. Et là, on le travaille en communauté. On est un peu tous comme ça au diapason d'une lecture le temps d'une semaine ou d'un mois. Et c'est des espaces de rencontre culturelle qui sont hyper chouettes. Et comment s'organise la communauté pour fonctionner ? Mais ça, à l'époque, on aurait fait des WhatsApp sur lesquels on répondait pas et tout ça. Là, on est revenu au bon vieux panneau d'affichage, hein, et donc on a des demandes, on a des questions, on a des besoins, on a des urgences, et puis on a aussi ritualisé des temps d'assemblée collective où on peut se tenir un peu au courant des grandes avancées de notre vie de quartier et des sujets qui sont en cours. On a besoin de trancher et on pouvoir faire à nouveau de la démocratie du quotidien dans laquelle on s'implique tous et toutes avec beaucoup plus de plaisir. En fait, avant, c'était, tu vois, de la contrainte et on essaie de déléguer au maximum au syndic ou tous ces trucs. Et en fait, là, aujourd'hui, vu qu'on a plus de temps, vu qu'on travaille moins, bon, on a beaucoup plus de temps pour participer à notre vie de quartier, qu'elle soit culturelle ou aussi démocratique, et on est très content de s'impliquer. Et justement, toi, tu nous as déjà dit, tu travailles moins aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu es toujours journaliste ? J'ai réussi enfin à sauter le pas de l'écriture romanesque. Jusqu'à présent, j'arrivais pas à me dire que c'était possible. J'avais vraiment l'impression que écrire des essais c'était simple, mais que les romans c'était un autre monde. Donc j'ai réussi à couper un peu en 2027. J'ai coupé un peu les 2030 Glorieuses le temps d'une année et j'ai réussi à écrire mon premier livre et depuis j'y accorde un peu plus de temps. Et c'est presque en fait devenu une sorte de pratique d'hygiène intellectuelle. Je veux pas me comparer à Amélie Nothomb, mais elle faisait ça, elle continue à faire ça tous les matins, et elle s'assoit, le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle écrit en fait. Et donc elle écrit 3 livres par an, elle en publie un, le meilleur, ou celle qui lui parle le plus. Moi je suis pas du tout à ce stade-là, et à la fois je suis très content le matin de me retrouver devant mon carnet, puisqu'on réécrit un peu sur les carnets, pour avancer avec mes histoires. Et puis effectivement je continue à raconter parce qu'il y a besoin de montrer toutes ces personnes et leur fierté et leur bonheur à participer à la transformation de notre monde pour le meilleur. Je peux pas m'empêcher de voir ces sourires et d'aider, faire que ces gens se rendent compte de leur puissance, et pour ça il y a besoin d'avoir une personne extérieure qui leur raconte, qui les raconte, et de deux, d'avoir quand même envie d'aller encore plus vite et de jouer sur cette capacité de contagiosité de l'humanité à travers les histoires qu'on raconte, en montant un tel et un tel, en montrant un tel et un tel, forcément je donne envie à d'autres de suivre leurs exemples et de se dire regardez, eux ils se sont pas fixés de limites là-dessus, pourquoi pas vous après tout, et eux ils se sont autorisés à, et pourquoi pas vous après tout. Et donc ça va continuer à prendre un peu de mon temps, et avec grand plaisir, parce que ça me permet de rencontrer des gens absolument géniaux encore et encore. C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, les gens sont quand même plus alignés dans leur métier sur leurs valeurs. Il y a un meilleur bien-être, enfin, le bien-être au travail est pris en compte. Tu en penses quoi, toi ? De voir qu'aujourd'hui, il y a encore quelques personnes qui s'habillent en costard et qui vont dans les tours de la Défense pour faire comme avant. Mais c'est vraiment que quelques personnes, tu sais, c'est un collectif militant pour l'ancien monde qui dit je veux continuer à accumuler, je veux continuer à dominer, et de voir que ça c'est une vraie minorité et que nous on arrive maintenant à les regarder avec bienveillance et qu'on essaie de leur proposer des expérimentations de tout ce qui existe aujourd'hui, ça montre à quel point les choses elles ont changé en fait. Les normalités c'est effectivement d'avoir un métier qui contribue, d'avoir un métier qui nous a permis de reprendre notre place parmi les vivants. Et donc ça montre qu'en fait on pensait qu'en 7-8 ans on n'allait pas réussir à changer tant que ça, mais on se trompait, Parce qu'en fait, à l'époque, on se limitait sur le comment et on avait l'impression qu'il allait falloir développer de nouvelles technologies et avoir des innovations. Non, pas du tout, en fait. On avait juste besoin de changer notre regard sur le monde. Et à partir du moment où on a changé notre regard sur le monde, on s'est rendu compte qu'on faisait partie du vivant plutôt qu'on le dominait. En fait, ben, nos métiers ont considérablement changé. Et d'une manière assez simple, il y en a tout un tas qu'on a abandonné parce qu'on se rendait bien compte qu'ils faisaient encore du mal, même s'ils faisaient moins de mal. Et quels sont les métiers aujourd'hui qui sont montés en puissance, qu'on... C'est peut-être pas trop le bon terme, monter en puissance, ça fait très ancien monde. Justement, en fait, mais on a reconnu au mot puissance son juste terme. Non pas de puissance de domination, mais puissance de création, puissance de lien, puissance de plein de choses. Et donc les gens qui se disent, bah voilà, moi je me suis empuissanté de mon savoir, empuissanté de ma fragilité, et bah, c'est beau en fait, et ça mérite d'être dit. Et donc forcément, bah, je parlais des Jardins de la Victoire. Aujourd'hui, on connaît tous et toutes dans nos amis, nos proches, notre entourage, bah, des agricultrices, des agriculteurs, qu'ils soient urbains ou pas d'ailleurs, parce qu'on jardine tout ce qui bouge. Et même nous, en fait, on est tous et toutes impliqués dans l'agriculture de proximité, comme on l'appelle aujourd'hui. Il y a aussi de plus en plus de personnes qui travaillent dans le milieu ferroviaire, par exemple. On a réactivé... toutes les gares de proximité qu'on avait abandonnées 10 ans en arrière, il y avait plus de la moitié de notre réseau ferré qu'on avait laissé à l'abandon. Et donc bah, ça, c'est du travail de réhabilitation, réhabilitation des voies, réhabilitation des gares, de toutes ces installations qui méritaient d'être rénovées et remises en état. Un de mes fils, il est ingénieur dans le ferroviaire parce qu'on essaie de faire des trains low-tech qui soient beaucoup plus légers, toujours aussi sécurisés, qui se déplacent encore de manière assez rapide, mais qui soient bah voilà, beaucoup moins blindés de technologie. Donc ça, c'est un travail à faire et ça mérite des cerveaux, ça mérite du temps humain. Et puis, on est aussi avec de plus en plus de personnes qui travaillent sur le soin. On a arrêté de se dire qu'il fallait guérir, mais plutôt que prévenir. Aujourd'hui, on prévient plutôt qu'on guérit. Et donc, ça veut dire que c'est des gens qui sont sur le soin, ou personnes qui prennent pas suffisamment soin de leur corps, qui prennent pas suffisamment soin de leur cœur, qui prennent pas suffisamment soin de leur cerveau, de leur esprit. Et donc, que ce soit avec tout un tas de formes d'apprentissage, d'éducation, tout un tas de formes de pratiques sportives, tout un tas de formes de pratiques spirituelles, on prend énormément soin des uns et des autres. Donc on va globalement quand même mieux. On va mieux, c'est un joyeux bordel, c'est encore le chaos dans plein d'endroits. On se rend compte qu'on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe naturelle parce qu'il fait plus chaud, parce qu'on est encore dans un emballement climatique qui fait qu'on n'est pas capable de prévenir tout un tas de choses et que, ben, effectivement, les cyclones qui viennent de plus en plus balayer les côtes atlantiques, on n'y était pas habitué, les emballements aussi du niveau de la mer qui... continue de temps en temps à être incontrôlable et incontrôlé, et font que ben, il faut qu'on se serre les coudes, quoi. Mais ça, heureusement, ça nous donne la possibilité d'aider les plus vulnérables avec plaisir, parce qu'aujourd'hui, accueillir ceux qui en ont besoin, on le fait avec plaisir, on le fait parce qu'ils nous permettent d'être dans cette posture de l'aidant, du généreux, et on sait à quel point ça fait du bien. Et puis, on n'a pas le choix, de toute façon, on n'a pas le choix, on avance, on le fait parce qu'il n'y a aucune personne, maintenant, 2030 Glorieuse, qui refusera d'agir. On a un peu tous peur et du coup c'est pour le mieux que nos enfants ils nous regardent en nous disant mais toi qu'est-ce que tu fais pour que j'ai un monde vivable, et donc on s'autorise à le faire en confiance, en conscience, avec ambition. C'est vrai qu'aujourd'hui on est davantage à notre écoute et aussi à l'écoute des autres, et on n'hésite pas à tendre la main comme tu me disais à ceux qui en ont besoin, à être là pour eux. À l'écoute de la jeunesse aussi. Hein. Tu te souviens, il y a 10 ans en arrière, on décriait beaucoup la jeunesse, on disait qu'ils n'avaient pas envie de travailler, qu'ils étaient rivés sur leurs écrans, etc. etc. Et aujourd'hui, on leur a redonné toute la place parce que, comme les Amérindiens disaient, en fait, on vit sur cette planète que la jeunesse nous prête. Et ça veut dire aussi que cette jeunesse, parce qu'elle a encore une fraîcheur, une naïveté, elle a plein de choses à nous apprendre. Et donc, on lui reconnaît ça, la jeunesse. On a réussi à la revaloriser, à lui redorer son blason. Et ça fait beaucoup de bien parce que ça allège nos conversations. On a un peu tous envie de réactiver notre âme d'enfant. et dans... Ouais, on voit les gens de tous les âges maintenant jouer dans la rue avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de liberté qu'avant, où on avait un peu l'impression que être sérieux, c'était le nécessaire passage à l'âge adulte, et ça fait un bien fou, ouais. Je t'ai interrompu dans ta question, c'est pardon, parce grave. Que j'avais besoin de parler de cette jeunesse. C'est voyez, important, là, c'est un point important. Des gens, des jeunes en train de courir justement dans le jardin, et forcément à l'époque on aurait dit oh là ils font du bruit, et ça fait beaucoup de bruit, cette vie-là, cette jeunesse-là. Et en fait aujourd'hui on est trop content de se dire que nos villes, elles sont à l'échelle de la jeunesse, elles sont faites et pensées pour la jeunesse, et qu'on craint plus d'avoir les enfants qui sont dehors. Parce que bah, il pourrait y avoir un problème avec quelqu'un, il pourrait y avoir un problème avec une voiture, il pourrait... Non, ça c'est carrément derrière nous, et c'est fou, ça, c'est fou qu'on ait laissé ça, on ait laissé passer ça, c'est fou qu'on ait laissé notre jeunesse s'enfermer petit à petit et devenir une jeunesse d'intérieur. Ça, en 2030 glorieuse, c'est tellement plus le cas. C'est vrai qu'on a bien avancé, et si on avait le pouvoir de remonter le passé, quel conseil tu donnerais à ceux qui veulent œuvrer pour un monde meilleur en 2030, assis comme ça, on pouvait revenir en arrière en 2020? Là, tu me poses la dernière question du podcast, là, le moment où je dis on a rêvé, et c'est ça, hein? Oui. ouais, elle est difficile, cette question. À chaque fois que je la pose, je me dis, mais en fait, franchement, les pauvres qui doivent y répondre, c'est hyper difficile. Et à la fois, ben, je ne peux pas m'empêcher de... recommander de faire ce pourquoi je travaille tous les jours en 2024, c'est-à-dire de faire exister dans nos esprits la possibilité que demain pourrait être mieux. Et ça passe par plein de manières. Ça passe par lire des informations plus positives, des magazines prospectivistes, des super podcasts. Et donc là, pêle-mêle, je cite Imago TV, Dites à l'avenir que nous arrivons, Netflix et tout. Mais ça, les gens qui nous écoutent, à force, elles s'autorisent, enfin, elles les connaissent. Ces contenus-là, les histoires comme les histoires véhiculées par les éditions de la Mer Salée, j'en ai déjà parlé plein de fois, enfin bref, je pense qu'il y a, ça. Il y a quand même quelque chose que j'aurais tendance à dire là, ce qui a commencé à vraiment changer pour faire advenir les 2030 Glorieuses dès 2024, c'est justement quand même, que ce soit pour notre entourage ou les inconnus, on s'autorisait à sortir du pilote automatique qui commençait dès la première question qu'on se posait en général quand on voyait quelqu'un en disant « Salut, ça va ?» et qu'on n'y répondait même pas. On disait « Bah oui, ça va. » En fait, on n'y répondait même pas. Et aujourd'hui, on se pose plus cette question en 2024. En tout cas, moi, je souhaite qu'on se pose plus cette question, ou que si on se la pose, c'est parce qu'on a vraiment envie d'entendre la réponse. Et donc, aujourd'hui, moi, j'invite les gens à se dire « Bah, peut-être qu'ils vont dire bonjour. Alors, comment ta semaine? Alors, quel a été le meilleur moment de tes dernières 24 heures? Alors, qu'est-ce qui va t'arriver et que tu attends avec plaisir dans les prochaines 24 heures? Alors, qu'est-ce que tu as lu d'inspirant ces derniers jours? Voilà, j'aimerais bien qu'on se pose une question qui, d'une part, suscite de la vraie curiosité chez nous, parce que ça laisse entrevoir bah, ce qui nous intéresse, qui on est, mais qui aussi, du coup, impliquerait une vraie réponse, et de ne pas jouer encore une fois ce côté pilote automatique où on attend déjà la fin de la conversation avant même de l'avoir commencé. Est-ce qu'on commence maintenant à se demander comment ça va vraiment, ou Moi, ma en question, fin de podcast, c'est après le... Parce que je t'avoue que j'appréhendais un peu cet échange, et je me posais la question de savoir si j'allais pas être trop dans le contrôle et de me dire... En fait, là, on est en train de déborder du temps. Là, je comprends pas sa question. Et là, d'habitude, je veux pas comme ça et tout ça. Et bien, j'ai réussi, moi, à me laisser complètement aller. Et donc, la dernière question que j'ai pour toi, et en fait, c'est aussi la première, c'est est-ce que maintenant, toi qui as été aussi un peu formé à la technique radio et qui a été journaliste, ça te donne envie de faire ton travail différemment, cet exercice d'amener les gens en 2030 glorieuses? Je m'y attendais pas non plus à cette question. Oui, bah, c'est déjà un peu ce que j'ai commencé à faire en commençant à travailler pour Agir à Lyon, parce que là où on se ressemble un peu, c'est ce qu'on appelle un journalisme de solution. Mais en fait, je pense que toi comme moi, notre travail, c'est en allant voir, comment dire, en présentant des personnes et des initiatives positives à nos lecteurs, à nos auditeurs, c'est de leur donner à leur tour envie de faire des choses, de se dire mais ça c'est génial, déjà de leur donner une énergie positive, parce que moi c'est déjà quelque chose que j'ai remarqué depuis que je suis à Agir à Lyon, c'est que je vais interviewer des gens, par exemple comme toi, et quand je ressors de l'interview je me dis mais c'est génial, mais tout ce qu'ils font, mais c'est super, Et j'espère que cette énergie-là, elle passe aussi auprès de nos lecteurs et lectrices qui, à leur tour, juste déjà se disent « Il y a quand même, des choses positives qui se passent autour de nous, tout n'est pas noir. » Et qui se disent aussi derrière peut-être « Mais en fait, moi aussi, je pourrais apporter ma pierre à l'édifice. » Donc pour répondre à ta question, oui, ton podcast me donne potentiellement envie de faire les choses différemment. Mais en tout cas, déjà, c'était une super idée comme ça d'inverser les rôles et de m'inviter. Merci Caroline. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à explorer les utopies vivantes, je vous invite à vous rendre sur 2030glorieuse.org pour découvrir la galaxie des 2030 glorieuses. Bien sûr, vous pouvez continuer à écouter ce podcast, mais aussi vous procurer mes livres sur le sujet et surtout vous inscrire à un prochain atelier utopiste collectif pour voyager en 2030 glorieuse à côté de chez vous. Salut !